9. De la Bérézina à Vilna. Les Juifs. Il n'y avait pas une demi-heure que je marchais en avant du régiment lorsque je rencontrai un sergent des fusiliers chasseurs que je connaissais. Comme je lui voyais l'air assez content, chose excessivement rare, je lui demandai s'il avait quelque chose à manger. J'ai, me dit-il, trouvé quelques pommes de terre dans le village où nous sommes. Alors je levai la tête et m'aperçus que nous étions effectivement dans un village. Je ne l'avais pas encore remarqué, marchant toujours absorbé et la tête baissée. Au nom de pommes de terre, je l'arrêtai pour lui demander dans quelle maison du village il les avait trouvées. Je m'empressai d'y courir autant que mes jambes me le permettaient, et j'eus le bonheur, après bien des recherches et du mal, de trouver sous un four trois petites pommes de terre, un peu plus grosses que des noix, que je fis cuire à moitié dans un feu abandonné et un peu écarté de la route, dans la crainte d'être vu. Lorsqu'elles furent cuites assez, je les mangeai avec un morceau de cheval, mais sans goût, car la fièvre que j'avais depuis plusieurs jours m'avait cassé l'appétit. Aussi je jugeais que si cela devait durer encore quelques jours, j'étais perdu. Le régiment venant à passer, je repris mon rang, et nous marchâmes jusqu'à Ziembin, où l'empereur était déjà arrivé avec une partie de la garde. Nous le vîmes qui regardait du côté de la route de Borisov, sur notre gauche, où l'on disait que les Russes venaient. Quelques cavaliers de la garde étaient portés en avant, mais les Russes ne se montrèrent pas ce jour-là. L'empereur alla coucher à Kamen, avec la moitié de la garde, et nous, les fusiliers grenadiers et chasseurs, nous couchâmes en arrière de cet endroit. Le 30, le quartier impérial coucha à Plechnitsche, et nous, nous bivouaquâmes en arrière. Le lendemain, lorsque nous y arrivâmes, nous apprîmes que le 29, le maréchal Oudinot, qui s'était retiré dans cet endroit après avoir été blessé le 28 à la Bérézina, avait failli être pris. Que les Russes, au nombre de 2000, avec deux pièces de canon, y étaient entrés, mais que le maréchal, quoique blessé, s'était défendu avec 25 hommes, tant officiers que soldats, malheureux et blessés, dans une maison où il s'était retranché. Que les Russes, étonnés des dispositions de défense que faisait le maréchal, avec le peu d'hommes qui l'accompagnaient, s'étaient retirés sur une hauteur qui domine l'endroit, et que de là ils firent le siège de la maison jusqu'au moment où de la troupe de la Confédération du Rhin et une partie de la garde arriva avec l'empereur. Nous remarquâmes la baraque en passant, elle était percée de plusieurs coups de boulet, mais nous ne pûmes comprendre comment 2000 cosaques n'avaient pas eu assez de courage pour prendre d'assaut une baraque en bois, où 25 hommes s'étaient retirés pour se défendre, il est vrai, jusqu'à la mort. Le lendemain, 1er décembre, nous partîmes de grand matin. Après une heure de marche, nous arrivâmes dans un village où les fusiliers chasseurs avaient couché. Ils nous attendaient afin de partir avec nous. En y arrivant, je m'informai si l'on n'y trouvait rien à acheter. Un sergent-major des chasseurs me dit que chez le juif où il avait logé se trouvait du genièvre. Je le priai de m'y conduire. Étant dans la maison, j'aperçus le juif avec une longue barbe et m'adressant à lui fort poliment en allemand, je lui demandai s'il avait du genièvre à me vendre. Il me répondit d'un ton brusque : « Je n'en ai plus, les Français me l'ont pris. » À cela, je n'avais rien à répondre. Mais comme je connaissais cette race d'hommes, je n'ajoutais pas foi aux paroles qu'il me disait, car ce n'était que la crainte de ne pas être payé qui lui faisait dire qu'il n'en avait plus. Tout à coup, une jeune fille de 14 à 15 ans descendit d'un grand poêle en terre, sur lequel elle était assise, et s'approchant de moi me dit : « Si tu veux me donner le galon que tu as là, je te donnerai un verre d'eau-de-vie. » Je consentis à ce qu'elle voulait. Aussitôt, elle détacha le large galon en argent qui soutenait la carnassière que je portais au côté, d'une valeur de plus de 30 francs, et que j'apportais de Moscou. Lorsqu'il fut en sa position, elle le cacha dans son sein. Ensuite, elle le remplaça par une mauvaise corde. Si je l'avais laissé faire, elle m'aurait pris la giberne du docteur que j'avais enlevée aux Cosaques. Elle s'était aperçue qu'elle était garnie en argent. Un instant après, elle m'apporta un mauvais verre de genièvre que j'avalais avec peine tant j'avais l'estomac resserré. La jeune juive me donna encore un petit fromage d'une forme ovale, gros comme un œuf de poule, et qui avait l'odeur de l'anis. Je le mis précieusement dans ma carnassière et je sortis. À peine avais-je pris l'air que le malheureux verre de genièvre, au lieu de descendre dans l'estomac, me monta à la tête. Il fallait passer sur un corps d'arbre qui servait de pont sur un large et profond fossé rempli de neige. Je le passai en dansant sans tomber, et je courus jusqu'au milieu du régiment en faisant la même chose. Je fis mieux, j'allai prendre deux mes camarades par les bras, en chantant et en voulant les faire danser. Plusieurs de mes amis et même des officiers se réunirent autour de moi, en me demandant ce que j'avais. Pour toute réponse, je dansais et je chantais. D'autres me regardaient avec indifférence. Le sergent-major de la compagnie, me conduisant à quelques pas du régiment, me demanda d'où je venais. Je lui dis que j'avais bu la goutte. « Et où ? Viens avec moi, lui dis-je. » Il me suivit. Nous passâmes sur l'arbre, en nous tenant par la main. À peine étions-nous de l'autre côté, que je me sentis saisir par un bras. C'était un de mes amis, un liégeois, sergent-major, qui venait savoir ce que j'avais. Lorsque nous fûmes chez le juif, je leur dis que s'ils avaient des galons d'or ou d'argent, ils auraient du genièvre. « Si ce n'est que cela, dit le liégeois, en voilà. » Il avait un joli bonnet en peau d'astracan, dont le tour était garni d'un large galon en or. Il le donna. Ce fut encore la jeune juive qui fit l'affaire, qui le dégousit. On nous donna du genièvre. Ensuite nous sortîmes, mais à peine étions-nous hors de la maison, que la folie me reprit encore plus fort, ainsi qu'au liégeois, de sorte que je recommence à danser, et le liégeois aussi. Le sergent-major regardait en nous engageant de marcher pour rejoindre le régiment. Pour toute réponse, nous le prenons chacun par un bras, et nous nous dirigeons du côté du fossé, sur l'arbre qui sert de pont, toujours en dansant. Arrivé là, le liégeois glisse, tombe, et entraîne le sergent-major ainsi que moi dans le fossé, et dans la neige qui recouvrait plus de 200 cadavres, que l'on lui avait jetés depuis 2 jours. À cette chute inattendue, le sergent-major jette un cri de terreur et de colère, sans cependant s'être fait mal, ni nous non plus. Ensuite, il se met à jurer après nous, et le liégeois à chanter. Me prenant par les mains, il voulait me faire danser. Il fallait sortir, mais nous n'en avions ni la force ni la possibilité. Partout, il se trouvait des glaçons sous la neige, de sorte que lorsque nous avions dépassé l'endroit où il n'y avait plus de cadavres, il nous était impossible de marcher. En définitive, si une compagnie de Westphaliens n'eût passé dans le moment, nous y serions restés. L'on avança une corde, mais avec nos mains gelées, nous ne pûmes la tenir. On finit par nous descendre le côté d'une voiture qui nous servit d'échelle. Des Westphaliens nous aidèrent à remonter. Cette descente avait rendu le liégeois et moi un peu plus calme. Nous rejoignîmes le régiment qui s'était arrêté près d'un bois. On se remit en marche. Une lieue plus loin, nous rencontrâmes le prince Eugène, vice-roi d'Italie, marchant à la tête d'un petit nombre d'officiers et de quelques grenadiers de la garde royale, groupés autour de leur drapeau. Ils étaient exténués de fatigue. Ce jour-là, nous fîmes une forte journée. Aussi, nous laissâmes encore beaucoup d'hommes en arrière, et nous allâmes coucher dans un village abandonné, où nous trouvâmes de la paille pour nous coucher. La viande de cheval ne nous manquait pas, mais nous n'avions plus de marmite pour la faire cuire et faire du bouillon, qui nous aurait soutenu un peu. Nous fûmes encore réduits, comme les jours précédents, à manger un morceau de viande rôtie, mais nous couchâmes dans des maisons où nous pûmes faire du feu. Pendant la nuit, je fus obligé de sortir plusieurs fois de la maison où j'étais couché, car la chaleur à laquelle je n'étais plus habitué m'incommodait. Le lendemain, nous partîmes de grand matin. C'était le 2 décembre. La fièvre me reprit. J'éprouvais de grandes lassitudes dans les cuisses, de sorte qu'au bout d'une heure de marche, je me trouvais encore en arrière du régiment. Quelque temps après, je traversais un petit village où se trouvaient beaucoup de traîneurs, mais je le passais sans m'arrêter. Un peu plus loin, j'en rencontrais plusieurs milliers, arrêtés autour de quelques maisons, occupés à rôtir du cheval. Le général Maison passa, s'arrêta un instant pour engager tout le monde à le suivre, si on ne voulait pas être pris par la cavalerie russe, qui n'était pas loin. Mais la grande partie de ces hommes démoralisés et affamés n'écoutaient plus rien. Ils ne voulaient quitter leur feu qu'après avoir mangé, et beaucoup se préparaient à défendre contre l'ennemi le morceau de cheval qu'ils faisaient cuire. Je continuais à marcher. Plus avant, je rencontrai plusieurs soldats de la compagnie que je priais de ne pas me quitter. Ils me le promirent en disant qu'ils me suivraient partout, que tout leur était indifférent. Ils ne tinrent que trop leurs paroles. Le soir, nous arrêtâmes près d'un bois pour y passer la nuit. Déjà beaucoup d'hommes de différents corps y étaient arrêtés, surtout de l'armée d'Italie, et quelques grenadiers du 1er régiment de la garde, à qui je demandais des nouvelles de Picard. On me répondit qu'on l'avait vu la veille, mais que l'on pensait qu'il avait le cerveau attaqué, qu'il avait l'air d'un fou. Depuis le moment où, près du pont de la Bérézina, le pauvre Gros-Jean m'avait laissé son sac, je n'avais pas encore pensé de l'ouvrir, afin de voir ce qu'il pouvait contenir. Comme j'étais certain qu'il ne reviendrait plus, au moins de sitôt, j'en fis la visite en présence des deux hommes de la compagnie qui étaient avec moi, et qui, précisément, étaient de son escouade. je ne trouvai rien d'extraordinaire, seulement un mouchoir renfermant un peu de gruau mélangé avec du seigle. Un des hommes avait le couvercle d'une marmite. Nous le fîmes cuire. Je trouvai encore une mauvaise paire de souliers, mais pas de chemise, chose dont j'avais tant besoin. Le reste m'était tout à fait inutile. Heureusement, dans l'endroit où nous étions arrêtés, se trouvait beaucoup de bois coupé. Nous fîmes grand feu. La nuit, le froid fut supportable, mais le matin au point du jour, journée du 3, un vent du nord s'éleva, qui nous amena un froid de 20 degrés. Il fallut se mettre en marche, car la position n'était pas tenable. Après avoir mangé un morceau de cheval, nous partîmes, suivant machinalement ceux qui marchaient devant nous, et qui, pas plus que nous, ne savaient où ils étaient, ni où ils allaient. Le froid cessa un peu dans la journée. Le soleil fut brillant. Aussi nous fîmes beaucoup de chemin, nous arrêtant dans des maisons isolées ou à des feux de bivouac abandonnés. Autant que je puis me le rappeler, nous couchâmes dans une maison de poste. Le soleil qui s'était montré la veille n'était que l'avant-coureur d'une gelée extraordinaire. Je ne dirai rien de cette journée, car en vérité je n'ai jamais su comment je la passais. Je fus absorbé tellement que lorsque mes deux soldats m'adressaient la parole, je leur répondais d'une manière à leur faire penser que j'étais fou. Le froid fut intolérable. Beaucoup prirent les premiers chemins qu'ils rencontrèrent, dans l'espoir de trouver des habitations. Enfin, nous finîmes, comme beaucoup, par nous perdre, en suivant des Polonais, qui prenaient un chemin pour aller sur Varsovie, par Olita. Un Polonais qui parlait français m'assura que nous étions à plus d'une lieue de la route de Wilna. Nous voulûmes revenir sur nos pas. Nous nous perdîmes de nouveau. Nous rencontrâmes trois officiers suivis par plus de 100 malheureux, de différents corps et de différentes nations, mourant de froid et de misère. Lorsqu'ils surent par nous qu'ils s'étaient égarés, plusieurs pleurèrent comme des enfants. Comme nous nous trouvions près d'un bois de sapins, nous nous décidâmes à y établir notre bivouac, avec ceux que nous venions de rencontrer. Ils avaient avec eux un cheval. On le tua et une distribution en fut faite. Deux feux furent allumés et chacun fit sa cuisine au bout de son sabre ou d'un bâton. Le repas achevé, nous nous formâmes en cercle autour de plusieurs feux. Il fut convenu qu'un quart veillerait, car l'on craignait à chaque instant d'être pris par les Russes, qui suivaient l'armée, presque toujours sur les côtés de la route. Une heure après, la neige nous arriva, avec un grand vent, qui nous força de nous mettre sous les abris que nous avions eu la précaution de faire. Un peu plus tard, le vent devint tellement furieux que la neige y entrait et nous empêchait de prendre un peu de repos, malgré que le sommeil nous accablait. Cependant, je m'endormis sur mon sac, sur lequel j'étais assis. Pour me préserver de la neige, j'avais mis sur ma tête mon collet double en peau d'hermine. Combien de fois dans cette triste nuit, je regrettais ma peau d'ours. Mon sommeil ne fut pas de longue durée, car un coup de vent emporta l'abri sous lequel j'étais avec mes deux soldats. Nous fûmes alors obligés de nous tenir toujours en mouvement pour ne pas geler. Enfin, le jour parut. Nous nous mîmes en marche, en laissant dans le bivouac sept hommes, dont trois étaient déjà morts, et quatre sans connaissance qu'il fallut abandonner. Il pouvait être 8 heures lorsque nous eûmes rejoint la grande route, et après bien des peines, nous arrivâmes sur les 3 heures, après-midi, à Molodechno, au milieu d'une cohue d'hommes de tous les corps, surtout de l'armée d'Italie. En arrivant dans le village où l'empereur avait couché la veille, nous cherchâmes à nous introduire pour passer la nuit dans une grange ou dans une écurie, mais nous étions arrivés trop tard. Nous fûmes obligés de nous établir au milieu d'une maison brûlée, sans toit, et où les 3/4 des places étaient déjà prises. Mais nous nous regardâmes encore comme très heureux de pouvoir nous mettre un peu à l'abri d'un froid excessif, qui alla toujours en augmentant, jusqu'à notre arrivée à Vilna. J'appris plus tard à mon arrivée en Pologne que ce fut de ce village, Molodechno, que l'empereur traça son 29e bulletin qui annonçait la destruction de notre armée, et qui fit tant de sensations en France. Le 5, il faisait grand jour lorsque nous partîmes. Nous suivîmes machinalement plus de 10 000 hommes qui marchaient confusément et sans savoir où ils allaient. Nous traversâmes beaucoup d'endroits marécageux où nous eussions probablement tous péri sans les fortes gelées qui consolidaient le mauvais terrain sur lequel nous marchions. Celui qui était obligé de s'arrêter n'était pas en peine de retrouver son chemin, car la quantité d'hommes qui tombaient pour ne plus se relever pouvait servir de guide. Nous arrivâmes lorsqu'il faisait encore jour à Brezinza, où l'empereur avait couché. Il en était parti dans la matinée. Nous fûmes plus heureux que le jour précédent. Je trouvai un peu de farine à acheter. Nous fîmes de la bouillie, mais nous n'eûmes pas le bonheur de trouver une maison sans toit. Nous fûmes forcés de coucher dans la rue. Après avoir encore passé cette mauvaise nuit sans dormir, tant il faisait froid, nous partîmes pour nous rendre à Smorgoni. En suivant la route, nous la vîmes couverte d'officiers supérieurs des différents corps, ainsi que des nobles débris de l'escadron et du bataillon sacré, couverts de mauvaises fourrures, de manteaux brûlés, même d'autres qui n'en avaient pas la moitié, l'ayant partagé avec un ami, peut-être avec un frère. Une grande partie marchait appuyée sur un bâton de sapin. Ils avaient la barbe et les cheveux couverts de glaçons. On en voyait qui, ne pouvant plus marcher, regardaient, parmi les malheureux qui couvraient la route, s'il ne s'en trouvait pas des régiments qu'ils commandaient 15 jours avant, afin d'en obtenir un secours, en leur donnant le bras ou autrement. Celui qui n'avait pas la force de marcher était un homme perdu. Il en était des routes comme des bivacs, ressemblant à un champ de bataille, tant il y avait de cadavres. Mais comme presque toujours il tombait beaucoup de neige, le tableau était moins sinistre à voir. D'ailleurs, on était devenu sans pitié. On était devenu insensible pour soi-même, à plus forte raison pour les autres. L'homme qui tombait et implorait une main secourable n'était pas écouté. C'est de cette manière que nous arrivâmes à Smorgoni. C'était le 6. En entrant dans cette ville, nous apprîmes que l'empereur en était parti la veille, à 10 heures du soir, pour la France, laissant le commandement de l'armée au roi Murat. Beaucoup d'étrangers profitèrent de cette occasion pour jeter de la défaveur sur l'empereur à propos d'une démarche qui n'était que naturelle, car après la conspiration de Malais, sa présence devenait nécessaire en France, non seulement pour la partie administrative, mais pour y organiser une nouvelle armée. On voyait au milieu des groupes d'hommes à demi morts qui arrivaient d'autres individus qui paraissaient tout à fait étrangers, et à part des malheureux, car ils étaient bien vêtus et vigoureux, ils criaient contre la démarche de l'empereur. Depuis, j'ai toujours pensé que ces hommes étaient des agents de l'Angleterre, qui arrivaient au-devant de l'armée pour y prêcher la défection. Au milieu de cette multitude, je perdis un des hommes qui m'accompagnait, mais pressé de trouver un gîte pour passer la nuit, je ne pouvais pas le chercher. Voyant passer un officier badois faisant partie de la garnison de la ville, je le suivis avec l'autre homme qui me restait, pensant bien qu'il avait un logement où nous pourrions peut-être nous introduire. Effectivement, il entra chez un juif où il était logé, et s'apercevant que nous le suivions, nous en facilita l'entrée. Lorsque nous y fûmes, nous nous installâmes près d'un poêle bien chaud. Il faut avoir été souffrant et malheureux comme nous l'étions pour apprécier le bonheur d'avoir une habitation chaude où l'on puisse passer une bonne nuit. Dans la même chambre était un jeune officier d'état-major, malade de la fièvre et couché sur un mauvais canapé. Il me conta qu'il était malade depuis Orca, mais que, ne pouvant aller plus loin, il allait probablement finir sa carrière, car il serait pris par les Russes. « Et Dieu sait, continua-t-il, ce qu'il adviendra. Pauvre mère, que dira-t-elle lorsqu'elle le saura ?» L'officier badois qui était présent et qui parlait le français chercha à le consoler, en lui disant qu'il lui procurerait un cheval pour son traîneau, puisque celui qui l'avait conduit était mort. À nous, il nous promit de la soupe et de la viande, mais pendant la nuit, il partit avec tous ceux des siens qui étaient là en garnison. Quant au pauvre officier, la fièvre augmenta pendant la nuit. Il fut continuellement dans le délire. Et nous, nous n'eûmes pas la soupe ni la viande sur lequel nous avions tant compté. Nous n'eûmes que quelques oignons et quelques noisettes que le juif nous vendit bien cher. Mais ce n'était pas trop payé la nuit que nous avions passée à couvert. Le 7 au matin, comme nous étions assez bien reposés, nous partîmes de bonne heure et en faisant le moins de bruit possible, afin que le jeune officier ne pût nous entendre, vu l'impossibilité où nous étions de lui rendre aucun service. Peu d'hommes étaient sur le chemin. Lorsque nous eûmes fait une lieue, nous nous reposâmes près d'une grange incendiée. Au bout d'une demi-heure, nous vîmes arriver la colonne de la garde impériale. Les débris de notre régiment étaient là, marchant toujours en ordre autant que possible. Je rentrai dans les rangs. Lorsqu'on fit halte, on me demanda sans intérêt si depuis 4 jours que l'on ne m'avait vu, j'avais trouvé des vivres. Sur ma réponse que je n'avais rien, on me tourna le dos en jurant et en frappant la terre avec la crosse du fusil. On se remit en route, et nous arrivâmes très tard à Jupranui. Presque toutes les maisons étaient brûlées, les autres abandonnées, sans toit et sans porte. Nous nous mîmes comme nous pûmes, les uns sur les autres. Le cheval ne manquant pas, j'en fis cuire pour le lendemain. Le lendemain, 8, il faisait grand jour lorsque nous partîmes. Mais le froid était tellement rigoureux que les soldats mettaient le feu aux maisons pour se chauffer. Dans toute maison, il y avait des malheureux soldats. Beaucoup périrent dans les flammes, n'ayant pas la force de se sauver. Dans le milieu de la journée, nous arrivâmes dans une petite ville dont je ne me rappelle plus le nom. On disait que l'on devait y faire des distributions, mais nous apprîmes que les partisans avaient pillé les magasins avant notre arrivée, et que ceux qui étaient chargés des distributions, ainsi que les commissaires des guerres, s'étaient sauvés. Nous continuâmes notre route, enjambant sur les morts et les mourants. Lorsque nous fîmes halte près d'un bois où un soldat de la compagnie aperçut un cheval abandonné, nous nous réunîmes à plusieurs pour le tuer et en prendre chacun un morceau. Mais comme personne n'avait plus de hache ni de force pour en couper, nous le tuâmes pour en avoir le sang, que nous recueillîmes dans une marmite enlevée à une cantinière allemande, et comme nous trouvions toujours des feux abandonnés, nous le fîmes cuire en mettant dedans de la poudre pour assaisonnement. Mais à peine était-il à moitié cuit, nous aperçûmes une légion de cosaques. Nous eûmes cependant le temps de le manger tel qu'il était, et à pleine main, de manière que nos figures et nos vêtements étaient barbouillés de sang. Nous étions épouvantables à voir, et nous faisions pitié. Cette halte, causée par un embarras, occasionnée par l'artillerie, que des chevaux à demi-morts traînaient encore, avait réuni plus de 30 000 hommes de toutes armes, et de toutes les nations, qui offraient un tableau impossible à décrire. Enfin, nous continuâmes à marcher, et nous arrivâmes dans un grand village à 3 ou 4 lieues de Vilna. Comme j'allais me disposer à passer la nuit dans une écurie où toute la compagnie était logée, l'on me commanda de garde de police. Je partis avec les hommes que l'on put ramasser et qui vinrent de bon cœur, espérant être mieux, mais l'on me désigna pour corps de garde une espèce de baraque qui se trouvait au milieu de la place, sur une élévation où le vent vient de tous côtés. Malgré le grand feu que nous avions fait, il nous fut impossible de reposer un seul instant. Je reconnus ce village pour celui où nous avions logé 5 mois avant, en partant de Vilna pour aller à Moscou, et où j'avais perdu un trophée, c'est-à-dire une petite boîte dans laquelle il y avait des bagues, des colliers en cheveux et des portraits provenant des maîtresses que j'avais eues dans tous les pays où j'avais été. J'ai beaucoup regretté ma petite collection. Le matin 9, nous partîmes pour Vilna, par un froid de 28 degrés. De deux divisions fortes encore de plus de 10 000 hommes, français et napolitains, qui depuis 2 jours s'étaient joints à nous, ainsi que d'autres qui nous attendaient, échelonnés sur la route, à peine 2 000 arrivèrent à Vilna. Le reste fut décimé dans cette terrible journée, et cependant ces hommes étaient bien vêtus, et rien ne leur avait manqué, en fait, que de nourriture, car ils n'avaient quitté les bons cantonnements où ils étaient, en Poméranie et en Lituanie, que depuis quelques jours. Lorsque nous les rencontrâmes, nous leur fîmes pitié, mais 2 jours après, ils étaient plus malheureux que nous. Moins démoralisés que nous, on les voyait se secourir les uns les autres. Mais lorsqu'ils virent qu'ils étaient aussi les victimes de leur dévouement, ils devinrent aussi égoïstes que les autres, les officiers supérieurs comme les simples soldats. L'espoir d'arriver dans quelques heures à Vilna, où nous devions avoir des vivres en abondance, m'avait rendu des forces, ou plutôt, comme beaucoup de mes camarades, je faisais pour arriver des efforts surnaturels. Le froid de 28 degrés était au-dessus de tout ce que l'on pouvait faire. Je me sentis défaillir. Il semblait que nous marchions au milieu d'une atmosphère de glace. Combien de fois dans cette triste journée je regrettais ma peau d'ours qui déjà, dans des froids semblables, m'avait sauvé la vie. Je n'avais plus de respiration. Des glaces s'étaient formées dans mon nez. Mes lèvres se collaient. Mes yeux, éblouis par la neige et par la faiblesse, pleuraient. Les larmes se gelaient et je n'y voyais plus. Alors j'étais forcé de m'arrêter et de me couvrir la figure avec la peau d'ermite de mon collet pour en faire fondre la glace. C'est de cette manière que j'arrivais près d'une grange à laquelle on avait mis le feu pour se chauffer. Enfin, je pus respirer un peu. Il en était de même de presque toutes les habitations que l'on rencontrait. Dans presque toutes, il y avait des malheureux soldats qui, ne pouvant aller plus loin, s'y étaient retirés pour mourir.